les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Vous avez une procédure de divorce en cours et vous avez reçu le courrier de convocation avec la date d'audience de tentative de conciliation qui prévoit. Si les époux ont des enfants mineurs, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les enfants peuvent demander à être entendus, seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge. La même mention apparaît également sur les convocations devant le juge aux affaires familiales pour les procédures hors divorce. Alors que faire face à cette information ? Tout d'abord, tout dépend de l'âge de vos enfants et de l'objet de la procédure. Naturellement, si vous êtes d'accord avec votre ex-conjoint sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la fixation de la résidence ou des droits de visite, il n'apparaît vraiment pas nécessaire que vos enfants soient entendus par le juge. Si le litige avec votre ex-concubin ne porte que sur la pension alimentaire, l'audition des enfants a également très peu d'intérêt, car cela ne les concerne pas directement. En revanche, en cas de désaccord avec votre ex-conjoint, l'audition des enfants est un vrai plus pour le juge aux affaires familiales et les explications ci-dessous devraient vous servir. Alors, quelles sont les conditions de cette audition ? Elles sont posées donc par l'article 388-1 que je vous ai cité auparavant. Le mineur peut donc être entendu dans toutes les procédures qui le concernent s'il le souhaite. Il appartient donc aux parents d'informer leur enfant de leur droit d'être entendu dans le cadre des procédures les concernant devant le juge aux affaires familiales. Ce qui ne sera par exemple pas le cas pour une procédure de modification du montant de la pension alimentaire. Ainsi, l'audition est de droit dès que les conditions de cet article sont remplies. Ensuite, le mineur doit donc être atteint de discernement. Aucun âge n'est légalement précisé. En général, on estime cet âge aux alentours de 7-8 ans, voire 10 ans pour certaines cours, mais tout dépend des enfants. Donc, il faut faire au cas par cas, car chaque enfant est différent. Et le rendez-vous avec l'avocat de l'enfant permettra de vérifier cela. Pour information, l'article 373-2 du Code civil liste les éléments qui doivent être pris en compte par le juge pour se prononcer sur ces modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont notamment les sentiments exprimés par l'enfant lors de cette audition, mais c'est également au même titre que la pratique des parents, l'aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter l'autre, et éventuellement les résultats des expertises et enquêtes et les pressions ou violences de l'un des parents sur l'autre. Alors en pratique, comment se passe le rendez-vous avec l'avocat de l'enfant ? L'audition du mineur ne peut avoir lieu que dans une procédure en cours, le mineur ne pouvant pas être seul à l'origine de la procédure, bien sûr. La demande d'audition peut être faite soit par une des parties, soit par le mineur, soit par l'avocat du mineur. En pratique, un des parents amènera son ou ses enfants chez un avocat qui, après le rendez-vous avec l'enfant, prendra la décision de demander l'audition dans le cadre de cette procédure. Si l'enfant ne veut pas être entendu, l'avocat ne demandera pas son audition et il n'est pas obligé. L'avocat d'enfant n'est ni l'avocat de la mère, ni l'avocat du père. Dès lors, aucun des parents n'a à régler ses honoraires. L'avocat de l'enfant déposera un dossier d'aide juridictionnelle qui lui sera octroyé, car l'aide juridictionnelle est de droit pour les auditions d'enfants, afin que le coût n'incombe à aucun des deux parents. En outre, le juge pourra également ordonner l'audition de l'enfant, même en l'absence de demande de celui-ci ou de ses parents, s'il estime tout simplement que cette audition est nécessaire, compte tenu des circonstances du dossier. Alors comment se passe cette audition ? En principe, l'audition aura lieu dans le bureau du juge aux affaires familiales, en charge de la procédure. Dans certaines circonstances particulières, et si l'intérêt de l'enfant le commande, l'audition pourra être confiée par le JAF à une personne qu'il délègue, par exemple un psychologue, un psychiatre ou un enquêteur social. L'avocat de l'enfant ne peut pas représenter l'enfant lors de cette audition, mais il pourra aider l'enfant à exprimer sa pensée, notamment compte tenu des propos tenus lors du rendez-vous à son cabinet. Le JAF doit rendre compte de son audition aux parties à la procédure. Dès lors, les parents ou leur avocat doivent recevoir un compte-rendu. Ce compte-rendu est établi pendant l'audition avec le mineur qui le signera. En pratique, le juge mènera une audition du mineur, puis rédigera avec lui un compte-rendu qui ne rendra pas nécessairement compte de la totalité des propos tenus. Il pourra également indiquer l'impression donnée par l'enfant, c'est-à-dire ses rires, sourires, pleurs, embarras, etc. Ces propos ne peuvent être tenus secrets. Ce compte-rendu sera diffusé contradictoirement, donc aux avocats et ou aux parents. Enfin, pour conclure, l'audition de l'enfant permet au juge d'obtenir des éléments intéressants sur son sentiment, sur la rupture, le comportement de ses parents entre eux et à son égard, la vie quotidienne dans la famille. L'audition permet aussi souvent à l'enfant de faire passer un message à ses parents, sur le fait qu'ils se disputent trop par exemple, que les modalités que les parents souhaitent voir mettre en place ne lui conviennent pas. Mais l'enfant ne décide pas, seul le juge aux affaires familiales décide et l'audition du mineur n'est qu'un élément parmi d'autres que le juge prendra en compte.